إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on commence donc le cours numéro 6 dans l'explication de Al-Ha'iyah, c'est la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud al-Sajistani, et dans laquelle il défend la aqidah d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, la aqidah des Salaf al-Salih. Hein? Et donc, juste avant de changer de sujet, parce qu'on était dans l'attribut de la parole, Sifatul Kalam. Donc juste avant de quitter ce sujet-là, j'aimerais juste mentionner un argument de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qu'il a utilisé pour réfuter les gens de Kalam. Qu'il a utilisé pour réfuter les gens de Kalam et les gens qui ni l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya. Et donc, par exemple, on avait expliqué dans le cours précédent que les Mu'tazila ont nié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas et il n'a pas l'attribut de la parole. Et ils disent à propos du Coran, hein, ils disent à propos du Coran et à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est quelque chose que Allah a créé. Hein, que c'est quelque chose que Allah a créé. Et donc ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la parole en quelque chose et c'est ça que les gens ont entendu. Et les Asha'ira et les Maturidiya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la réalité de la parole d'Allah, c'est la parole qu'ils appellent en arabe Al-Kalam al-Nafsi. Donc c'est la parole intérieure. Eux, ils disent que c'est ça la parole réelle. Qu'est-ce qui est la parole d'Allah pour eux? C'est Al-Kalam al-Nafsi. Mais qu'est-ce qu'on récite quand on lit le Coran, les lettres, hein? Ça c'est pour eux, ça c'est pas le Coran. Pardon, ça c'est pas pour eux la parole d'Allah. C'est pas la parole d'Allah, ça c'est créé pour eux. Pour les Asha'ira et les Maturidiya. Et Cheikh al-Islam, parmi les arguments rationnels qu'il a utilisés pour les réfuter, c'est de dire en réalité que on appelle que ça, en fait, ça ne s'appelle pas une parole. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en quelque chose une parole et il l'a appelé sa parole, ça on n'appelle pas ça une parole. Et ça ne fait pas de quelqu'un, on ne dit pas de quelqu'un qu'il parle si il a créé la parole en quelque chose d'autre et puis que c'est ça qu'on a entendu, d'accord? La parole, c'est lorsque quelqu'un parle réellement et que la parole qu'il dit sort de lui-même. Mais si c'est quelque chose qu'il a créé en quelque chose d'autre, on peut pas appeler ça la parole, puis on peut pas non plus attribuer cette parole-là à celui qui l'a créé. On va l'attribuer à la chose d'où cette parole-là sort. Hein? Sinon, on devait dire que toute chose qui parle parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait dire de ces paroles-là que toutes ces choses-là sont des paroles d'Allah. Et donc ça, c'est quelque chose d'impossible ou d'incorrect. De même que al-kalam al-nafsi, on n'appelle pas ça une parole non plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens de kalam, les asha'ira appellent al-kalam al-nafsi, on n'appelle pas ça une parole. C'est-à-dire, la parole intérieure, les paroles que quelqu'un se dit en lui-même, on ne les appelle pas en arabe une parole. En français même, on ne les appelle pas une parole non plus. C'est-à-dire, quand tu te dis des choses en toi-même, en français, comment on appelle ça? On appelle ça une pensée. On n'appelle pas ça une parole. Hein? Et les ulama ont mentionné plusieurs arguments aussi là-dessus, tirés des hadiths, pour montrer que le fait de se parler en soi-même, ce n'est pas considéré comme étant une parole. Comme par exemple, le fait que la parole dans la salat, ça annule. Si quelqu'un parle durant sa prière, sa prière sera annulée. Donc les ulama ont dit que si quelqu'un parle réellement, hein, prononce des mots durant sa salat, autre que qu'est-ce qui est permis, autre que qu'est-ce qui fait partie de la salat, on dira que sa prière a été annulée. Tandis que s'il se parle en lui-même, hein, et qu'il se dit des choses en lui-même, des pensées, ça n'annule pas sa salat. Hein? Donc ça, c'est la preuve que la parole que tu dis en toi-même, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle parole. De même que, ils ont mentionné également, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prendre pour compte ce que les gens se disent en eux-mêmes comme pensée, tant qu'ils ne l'ont pas prononcé et tant qu'ils n'ont pas agi selon ces pensées-là. Donc, ça c'est la preuve que les pensées ne sont pas considérées comme étant une parole. On n'appelle pas ça une parole. Et même en arabe, quand on dit al-kalam al-nafsi, pour dire la parole intérieure, on est obligé de rajouter nafsi à côté, sinon on ne pourra pas l'appeler kalam. Hein? Sinon, on va dire afkar. Hein, on va dire des pensées. Donc ça fait partie des arguments que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné pour leur faire comprendre que leur interprétation en disant que la parole d'Allah c'est la parole intérieure ou des choses comme ça c'est quelque chose qui est rejeté et puis il n'y a pas de preuve même sur le plan de la langue et sur le plan de la logique. Il n'y a pas d'argument pour eux dans ce genre d'explication qu'ils donnent. Donc là, ça vient conclure la question qu'on a clarifiée au sujet de Al-Kalam. Et c'est pour mentionner en fait que les salafs, rahimahumullah, ils ont tous affirmé l'attribut de la parole et ils ont affirmé tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale aussi, sans exception. Et ils n'ont nié aucune des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont affirmé ces attributs-là en respectant certaines règles, bien entendu, et certains principes. Hein, et c'est pour ça que lorsqu'on lit dans les paroles des ulama, ils disent que lorsqu'on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on affirme tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont affirmé comme attribut, et on nie tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, de même que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on affirme, on l'affirme sans faire de takif, c'est-à-dire sans essayer de chercher le commun ou la description des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans faire de tashbih, c'est-à-dire de ressemblance, ou bien de tamthil aussi, on peut dire de tamthil, c'est-à-dire de faire de ressemblance ou des comparaisons entre Allah et sa créature. Wa min ghayri ta'tilin, sans faire de ta'til, c'est-à-dire de nier la réalité de ces attributs-là ou de les vider de leur sens réel. Wa min ghayri ta'wil, ou bien tahrif, hein, c'est-à-dire sans essayer de réinterpréter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur donnant une autre signification, hein, comme le font certains parmi les gens de bid'ah. Et donc on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en respectant ces règles-là, et ça on va y revenir inshallah quand on va parler de certains des attributs qui sont affirmés dans cette qasida. Sinon on peut en mentionner un peu à ce sujet-là, maintenant ou bien on peut revenir plus tard, puisque de toute façon on est toujours dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le début de cette manzouma. Le verset ou le vers numéro 6 dans Al-Ha'iyya, c'est un nouveau sujet, c'est toujours dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est au sujet de Ru'yatullah. C'est la question de ce qui a rapport avec le fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le vers dit: وَقُلْ يَتَجَلَّ اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ. C'est-à-dire que l'imam Ibn Abi Daoud, il dit que si tu veux être sur la bonne aqida, la aqida des salaf al-salih, tu dois dire que Allah subhanahu wa ta'ala va se montrer à sa création ouvertement, comme la pleine lune ne va pas échapper à personne lorsqu'il la voit dans le ciel, et ton Seigneur est plus visible et plus clair encore. Donc c'est-à-dire que ça s'est basé sur le hadith qu'on connaît, qui est dans Al-Bukhari, qui mentionne que les croyants au jour de la résurrection vont voir Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'auront aucune difficulté à le voir, de la même manière que lorsqu'on voit la lune, lorsqu'il y a la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages, ou lorsqu'on regarde le soleil en plein jour et qu'il n'y a pas de nuages. Donc les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière là et ça c'est pour affirmer cet attribut, donc on va expliquer maintenant, on va lire ensemble les paroles de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Le Cheikh il mentionne تمهيد هذه المسألة ورؤية الله جل وعلا هل الخلق يرون الله أو لا يرونه الجهمية والمعتزلة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى لأن الرؤية للأجسام ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى فينفون الرؤية بتاتا في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العافية وهناك قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة وهذا قول بعض الصوفية. Donc le cheikh il commence avec une petite introduction à cette question pour expliquer les différentes positions par rapport au sujet de est-ce que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Et au sujet du fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que la créature peut voir Allah ou va voir Allah ou non, les Jahmiya et les Mu'tazila disent que on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'impossible pour eux, ils le nient catégoriquement. Ils disent que c'est pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala parce que la vue, le fait que quelque chose soit visible, ça, c'est une caractéristique des corps. Et ils disent, Allah n'est pas un corps, donc il ne peut pas être vu. Et donc, ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala puisse être vu dans cette vie d'ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Nasallallahu al-afiyah. Le Cheikh, il dit, Nasallallahu al-afiyah. Donc, ça, c'est la position de ces gens-là. Ils nient ces attributs-là. Ils nient cet attribut-là. Et ils prennent cette position-là en se basant sur ce genre d'argument. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est visible, ce sont les corps. Et, puisque Allah n'est pas un corps, alors, dans ce cas-là, on ne peut pas le voir. Ça, c'est les arguments qu'ils ont pris de la métaphysique d'Aristote ou bien des paroles des philosophes, comme Plotin ou Platon ou d'autres encore, et d'autres genres de logique qu'ils ont inventé eux-mêmes ou qu'ils ont pris des kuffar et des mushrikin. Donc, ils se basent sur ça pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre catégorie de gens qui disent qu'on peut voir Allah dans cette vie et dans l'au-delà. Ils disent qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie et dans l'au-delà. Et ça, c'est certains parmi les soufis. Ils prétendent, eux, qu'ils voient Allah et qu'ils le voient en état. Il y en a qui prétendent qu'ils le voient en état d'éveil, il y en a qui prétendent qu'ils le voient dans cette dunya, et d'autres qui affirment qu'on va le voir dans Al-Akhira. Donc ça, c'est une position de la part des soufiyines, à ce sujet-là. والقول الثالث هو القول الحق أن الله جل وعلا يرى في الآخرة يراه أهل الجنة كما تواترت ذلك بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الدنيا فإنه لا يرى لأن الناس لا يتيقون رؤيته سبحانه في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله جل وعلا فكيف يطيق الآدمي رؤية الله هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله فتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته كما دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. Donc le Cheikh explique que la troisième position, et c'est la position de vérité, c'est la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que Allah subhanahu wa ta'ala peut être vu et sera vu de la part des croyants dans Al-Akhirah. Bon, on va mentionner les détails à ce sujet-là par la suite, qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, mais pas dans cette dunya. On peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Akhirah, mais pas dans cette dunya. Et que les gens du paradis vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a été mentionné dans de nombreux hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la dunya, on ne peut pas le voir dans ce monde, dans cette vie, parce que les hommes n'ont pas la capacité et la force de supporter la vue ou de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Et lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se montrer à lui, il a demandé de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Moussa et il lui a donné un exemple pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas le voir. Et ça c'est dans le verset 143 dans surat Al-A'raf. Verset 143. يعني Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قال ربي أرني, donc Moussa il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je puisse te voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, tu ne vas pas me voir, mais plutôt regarde la montagne. Et si cette montagne reste telle qu'elle est, alors dans ce cas-là tu vas me voir. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne, lorsque son Seigneur s'est manifesté à la montagne, elle s'est pulvérisée, c'est-à-dire est devenue en poussière. Et à ce moment-là, Moussa alayhi salam est tombé prosterné, ou bien il a été foudroyé à ce moment-là, il est tombé sans connaissance. Et donc, lorsqu'il s'est réveillé, c'est-à-dire il est revenu à lui-même, il a dit, Subhanak, je reviens à toi en repentance et je suis le premier des croyants. Donc ça c'est la parole de Moussa lorsque cet événement-là s'est produit. Donc le Cheikh il dit, cette montagne solide et ferme, elle s'est transformée en poussière à cause de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire dans ce cas-là d'un être humain, d'un fils d'Adam qui est faible s'il verrait Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est dans cette dunya, c'est le fait à propos de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Donc c'est impossible que quelqu'un puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. En ce qui concerne Al-Akhirah, en ce qui concerne l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux gens du paradis une capacité, une force par laquelle ils vont être capables de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il leur fait, il leur donne l'honneur hein, de pouvoir le regarder, de pouvoir le voir. Étant donné le fait qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya sans voir Allah, c'est-à-dire nous, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala sans l'avoir vu, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va nous récompenser dans l'au-delà en se montrant aux gens du paradis. Hein, on espère qu'on sera parmi eux, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi les gens du paradis et parmi ceux qui vont pouvoir le regarder. Donc, étant donné qu'on croit en lui sans l'avoir vu, eh bien, on espère avoir justement cet honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va se montrer à nous parmi les gens du paradis et qu'on va pouvoir jouir profiter donc de sa vue ou du fait de le regarder, comme c'est mentionné dans plusieurs preuves dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Le cheikh il dit amma al-kuffar falamma lam yu'minu bihi fi ad-dunya hajabahum Allah an ru'yatihi yawm al-qiyamah. Le cheikh il dit étant donné que les kuffar ont refusé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala va se voiler d'eux au jour de la résurrection. Donc ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, les kuffar. Et il mentionne le verset 15 dans surat Al-Mutaffifun. Al-Mutaffifin. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا يفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم وإلا كان الكفار والمؤمنون سواء في الآخرة والله فرق بينهم وأكرم المؤمنين بأنه يتجلى لهم أي يظهر لهم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله فيرونه عيانا بأبصارهم لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون يعني لا يتزحمون لرؤيته يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله. Le cheikh il explique que les kuffars donc ne vont pas voir Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'ils ont refusé de croire en lui dans cette dunya, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va les punir dans l'akhira en les empêchant de le voir. Et il mentionne donc le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, et il dit donc si les koufars seront voilés et qu'ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça implique également, on peut comprendre de ça également que les croyants eux ne seront pas voilés de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de voir leur Seigneur. Et à ce sujet il y a divergence, c'est-à-dire il y a différentes paroles qui ont été mentionnées de la part des ulama à ce sujet-là. Certains ulama ont dit que au jour de la résurrection, on va permettre aux kuffars de voir Allah subhanahu wa ta'ala au début, puis après ils vont être voilés, puis ils ne le verront plus. Et en réalité, c'est pour les punir. Et le fait qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, puis que par la suite, ils en sont privés, c'est quelque chose qui fait en réalité augmenter leur châtiment en eux-mêmes. Parce qu'ils restent toujours en train d'espérer ou de vouloir ou de désirer le revoir. Hein? Parce qu'il n'y a pas de plaisir plus grand que de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de tous les plaisirs que quelqu'un peut imaginer dans cette dunya ou dans l'akhira, il n'y en a pas de plaisir plus grand que celui de pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Et donc le fait qu'ils soient privés de ce plaisir-là, ça fait en sorte qu'ils sont châtiés en eux-mêmes du fait de ne plus pouvoir justement le regarder. Hein? Donc ça c'est une parole parmi les positions qui sont mentionnées parmi les paroles des ulama, et il se base bien entendu sur des hadiths à ce sujet-là, comme le hadith qui mentionne que au jour de la résurrection il y a les munafiqoun qui vont être ordonnés de se prosterner, ils vont être en présence des croyants, et que à chaque fois qu'ils vont essayer de se prosterner, leur colonne vertébrale va devenir comme une barre, hein, et une tige, donc ils pourront pas se prosterner, et à chaque fois, ils vont tomber sur le dos, hein, et donc ça c'est l'explication du verset dans Surat Al-Qalam, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Hein? Donc ce jour-là, ils vont essayer de se prosterner, mais ils ne seront pas capables. Donc le cheikh explique, il dit donc qu'ils vont être voilés, ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux croyants. Sinon, les kuffars et les mu'minons seraient égaux par rapport à cette question-là dans l'akhirah, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait une distinction entre les deux. Il a fait l'honneur aux croyants de se montrer à eux, c'est-à-dire il s'est montré à eux comme cela lui convient, comme cela convient à sa majesté et à sa grandeur, et donc ils vont le voir avec leurs yeux et ils n'auront aucune difficulté de le faire, dans le sens que ils n'auront pas à se bousculer les uns les autres pour essayer de le regarder, contrairement à des gens comme par exemple dans cette dunya, lorsqu'on veut regarder quelque chose et que les gens sont dans une foule, eh bien ceux qui sont plus petits, ils ont de la difficulté à voir ce qui est en avant, donc ils se poussent et tout le monde essaie d'écraser l'autre pour essayer de regarder plus loin, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple, hein, pour montrer que les croyants n'auront aucune difficulté à voir Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, puisque ils vont le voir comme on voit la pleine lune, hein. Et donc c'est pour dire que on va le voir tous sans difficulté, et comme on, également comme on voit le soleil en plein jour lorsque il n'y a pas de nuages, ou lorsque il y a la pleine lune la nuit et qu'il n'y a pas de nuages, donc c'est pour montrer que on va le voir facilement de cette manière-là, et c'est pas pour faire des comparaisons entre ce qui est vu, hein, entre le soleil et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour comparer le soleil à Allah, mais c'est pour comparer la façon dont on aura de la facilité à le voir. Et donc le cheikh, il dit que ça c'est mentionné dans plusieurs hadith sahih, et c'est la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet de la vue. D'accord? Donc ça c'est la position de vérité. Et à ce sujet-là, donc on a mentionné au tout début que les Mu'tazila et les Jahmiya ont nié, hein, la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a la position des Asha'ira que le cheikh n'a pas mentionné, et ils ont encore une fois une position contradictoire, de la même manière que ils ont une position contradictoire au sujet de la parole d'Allah, et bien au sujet de la vue, hein, de le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont encore une fois une position contradictoire, c'est-à-dire que ils disent que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut le voir, mais ils disent qu'il sera vu, mais non pas dans, sans direction, sans que ce soit dans une direction. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui fait aucun sens, en fait. Et l'exemple de l'argument des Jahmiya et des Mu'tazila pour nier le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant, par exemple, le terme jism, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas un corps, eh bien les ulama d'Ahl al-Sunna ont réfuté l'utilisation de ce terme, et ils ont expliqué qu'il est interdit d'utiliser ce genre de terme pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans l'affirmation ou dans la négation, c'est-à-dire que ce sont des termes qui n'ont pas été qui ne se retrouvent pas dans la révélation, qui ne se retrouvent pas ni dans le Coran ni dans la Sunna, qui n'ont ni été affirmés par Allah et par le messager sallallahu alayhi wa sallam, ni niés par le Coran et par la Sunna. Donc, au sujet de ces termes, hein, que les ulama mentionnent comme étant des termes mujmalat, hein, ou des termes qui sont mujmal, c'est-à-dire des termes qui peuvent impliquer quelque chose de vrai ou qui peuvent impliquer également quelque chose de faux, les ulama mentionnent qu'on n'a pas le droit de les utiliser dans qu'est-ce qui a rapport avec les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces termes que utilisent les gens de kalam, comme le corps, al-jism, ou bien al-jiha, ou bien par exemple al-hayz, ou bien yani, tout ce genre de paroles, al-jawhar, ou bien al-arad, tout ça sont des termes qu'ils utilisent pour qualifier Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour le nier, pour nier ces choses-là ou pour les affirmer. Les ulama ont interdit de les utiliser. Et ils ont dit que ça, ce sont les termes utilisés par les gens de kalam, les philosophes et les gens qui ont utilisé ces méthodologies, hein, qui sont basées sur la philosophie. Et ils ont dit, on n'a pas le droit d'utiliser ça pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ça fait partie de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Hein? Tu nies ce que tu ignores et tu affirmes ce que tu ignores. Dans les deux cas, tu es dans l'égarement. Hein? Et la position, comme on a dit, la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des noms et des attributs, c'est d'affirmer ce qui est affirmé dans les textes et de nier ce qui est nié dans les textes. Et si quelque chose qui n'est pas nié ni affirmé dans les textes, la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet de ces termes-là, c'est de s'arrêter et de ne pas avancer sur ces termes-là. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, dans des cas comme ça, par exemple, comme ça a été expliqué par les ulama, c'est que on demande à la personne qui utilise ces termes-là de s'expliquer et de dire ce qu'elle veut dire, hein, par l'utilisation de ces termes. Et si la signification qu'il donne de ces termes est en accord avec qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, alors dans ce cas-là, on affirme cette signification-là comme étant vraie, puisqu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna. Et si la signification qu'il donne, ou l'explication qu'il donne, est en contradiction avec le Coran et la Sunna, alors dans ce cas-là, on va nier cette signification-là, et on va en même temps rappeler que l'utilisation de ce genre de termes est interdit, et c'est interdit, puisque ça fait partie des innovations, ça fait partie des bid'ahs. Comme la personne qui est venue voir l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, et qui lui a demandé, hein, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, kayfa stawa. Il est venu voir l'imam Malik, il a dit, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Comment s'est-il élevé au-dessus de son trône? Et l'imam Malik, il lui a répondu, Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'ah. C'est-à-dire, le demander au sujet du comment, hein, c'est quelque chose qui est, il lui a dit, premièrement, il lui a expliqué, parce que la personne a demandé à l'imam Malik au sujet du comment, par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Et donc, l'imam Malik a répondu, il a dit, al-istiwa, le fait de s'élever au-dessus de quelque chose, ça dans la langue arabe, c'est connu. Les ulama de la langue, et les salafs, ils comprenaient cette signification-là, et ils savaient ce que ça signifiait. Lorsqu'ils entendaient Al-Istiwa, et quand ils entendaient Ar-Rahmanu ala l'Arshi Istawa, ils comprenaient immédiatement qu'est-ce que ça signifiait, puisque ça fait partie du langage des Arabes. Et c'est quelque chose qui est clair, hein. Et les ulama ont expliqué, hein. Ils ont donné la signification de ces mots-là. Ils ont dit que, yani, Al-Istiwa, ça signifie en arabe, ala wartafa'a wastaqarra, et ils ont donné ces significations-là comme étant les significations de al-istiwa, c'est-à-dire de s'élever, hein, de monter au-dessus de quelque chose, hein, de s'établir au-dessus de quelque chose. Ça, c'est parmi les significations dans la langue arabe classique de al-istiwa. Donc c'est quelque chose qui est connu. Après, il dit wal kayfu majhoul, et dans certaines narrations wal kayfu ghair ma'qoul, c'est-à-dire le comment, il n'est pas connu et c'est pas possible de le comprendre rationnellement, puisque c'est quelque chose qu'on ignore. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit comment il s'était élevé sur son trône, et il ne nous a pas dit non plus comment il descend au dernier tiers de chaque nuit. Et il ne nous a pas dit non plus comment est sa main, comment est son visage, comment sont ses yeux. Donc, sur ces choses-là, on n'a pas le droit de spéculer, on n'a pas le droit d'imaginer, on n'a pas le droit d'essayer de comprendre comment. Et donc, on doit juste affirmer ces attributs-là, hein, tels que Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés, et on s'arrête à ce qui est dans la révélation. hein? Et leur signification, elle est connue pour nous. Donc, al-kayf majhoul. Et donc ça, ça faisait partie des termes qui sont mentionnés parmi les termes qui sont innovés et qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il lui a dit wal imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire, was-su'alu anhu bid'ah, c'est-à-dire de poser la question, même juste de poser la question du comment, ça en soi c'est une innovation, déjà de poser la question, hein. Par contre, on voit par opposition à ça le hadith de la jeune femme esclave à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Un des sahaba, c'est Muawiyah ibn al-Hakam, il avait frappé son esclave, une jeune femme esclave qu'il avait, il l'avait frappé au visage. Et comme expiation pour avoir fait ce péché-là, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander est-ce qu'il pouvait la libérer, hein? Pour, yani, disons, se faire pardonner d'avoir commis ce péché. Et donc, lorsqu'il est arrivé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, ramène-la, et il lui a posé deux questions. La première question, il lui a demandé, Ayn Allah, où est Allah? Et elle a répondu, Fissama, hein, c'est-à-dire dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus. Et comme on l'a expliqué hier, dans, ou bien avant-hier, dans un des durus précédents, que en arabe, le terme sama, ça signifie tout ce qui est au-dessus de soi. D'accord? Et donc, elle a répondu à sama, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, hein, dans les cieux. Et donc, yani, ensuite, il lui a posé une autre question. Man ana, c'est-à-dire qui suis-je? Et elle a répondu, Anta Rasulullah, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est pour expliquer que, pour le comment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il n'a pas mentionné rien au sujet du comment. Et c'est pour ça que lorsque l'homme est venu demander à l'imam Malik, comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, il l'a réprimandé et il lui a dit, ça c'est une innovation. Mais le où, la question, le où, elle a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à la question. Et il a approuvé de la réponse de cette jeune esclave. Hein, et il lui a confirmé que ce qu'elle disait était vrai. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Donc, ça c'est pour montrer que l'utilisation du terme où c'est permis, et on a le droit de demander à propos d'Allah où est-ce qu'il est, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque il l'a approuvé, mais au sujet du comment, ça c'est interdit. Pourquoi? Puisque on voit qu'il n'a pas été utilisé cette expression-là par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ça c'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc on n'a pas le droit de l'affirmer ou de l'utiliser. Donc ça c'est pour clarifier cette question-là. Donc on utilise uniquement pour parler d'Allah les termes qui sont mentionnés dans la révélation. Et lorsqu'on se limite à ça, on est certain de ne pas tomber dans des problèmes ou des ambiguïtés ou d'affirmer des choses fausses ou de nier des choses vraies. Hein. Donc on se limite à la voie des salafs, c'est-à-dire d'affirmer ce qui est affirmé par Allah et son messager et de nier ce qui est nié par Allah et son messager. Et ça nous ramène juste à un point que j'aimerais clarifier aussi par rapport à ça. C'est que, comme j'avais expliqué dans le premier cours, ou bien dans le deuxième, que les gens de Bid'ah ont divisé Ahlus Sunnati wal Jama'a en trois groupes. Hein, j'avais expliqué que les gens de Kalam, ils ont divisé Ahlus Sunnati wal Jama'a en trois groupes. Al-Ash'a'ira, Al-Maturidiyya et Al-Salaf. Ils prétendent que ces trois groupes-là sont Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ensuite, ils ont divisé leur manhaj en deux. Ils ont divisé le manhaj qu'ils ont par rapport au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux. Ils ont ramener premièrement le manhaj qu'on a, celui du tafwid et le manhaj du ta'wil. Le tafwid, qu'est-ce que ça, ça c'est des terminologies, hein, faut les connaître et les comprendre pour être capable de saisir bien comme il faut, mais bon, c'est pas si compliqué que ça en fait. Le tafwid, c'est quoi? C'est l'idée que ces gens-là ont que parce qu'ils ont dit que le tafwid c'était la voie des salafs, c'est-à-dire les prédécesseurs, les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, et que le ta'wil c'était le manhaj des khalaf. Ok, et pour eux les deux sont bons, les deux font partie de la voie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. D'accord. Et pour eux, at-tafwid, ça veut dire quoi? Pour eux, le tafwid, c'est la voie des salafs. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour eux que les salafs ne connaissaient pas la signification des noms d'Allah et de ses attributs. Mais ils faisaient uniquement qu'affirmer des attributs sans les comprendre et sans connaître leur signification. Hein? Un peu comme si, par exemple, on leur avait mentionné des mots dans une langue étrangère, et puis qu'ils ne les comprenaient pas du tout. Donc quand ils entendaient le mot yad, ou le mot istawa, ou le mot wajh, ou ces attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran, eux, ils disent que les salafs, eux, ils ne comprenaient pas ces termes-là, et ils ne savaient pas du tout ce que ça signifiait, et ils faisaient juste les affirmer sans les comprendre. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la réalité de la position des salafs au sujet des attributs d'Allah, et en réalité même que c'est un mensonge au sujet des salafs de leur attribuer cette position là et ça vous le retrouvez par exemple dans les livres des Asha'ira et dans le livre de certains même de leurs penseurs aujourd'hui, ou de certains qui parmi les islamistes ont écrit justement un peu sur ces sujets là comme Hassan al-Banna par exemple, le fondateur de la secte des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun. Eh bien, quand vous regardez dans son livre qu'il a écrit, qui s'intitule Al-Aqa'id, c'est-à-dire les croyances, ou le dogme, eh bien, vous voyez que dans son livre-là, il divise justement les positions, de ceux qui affirment les attributs en trois, comme celle que je vous ai mentionné. Il parle des Asha'ira, des Maturidiyya et des salafs. Et il essaie de faire croire que les trois sont corrects, que les trois sont bonnes. Hein? Et donc il pense que la position des salafs, c'est de faire le tafwid, de ne pas affirmer que les salafs comprenaient la signification des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne des exemples, des paroles, par exemple des salafs, qui ont dit par exemple amirruha kama ja'at bila kayf. Lorsque vous entendez les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés, eh bien laissez-les passer comme ils sont sans chercher à comprendre le comment de ces attributs-là. Et ça c'est la réalité de la position des salafs. Ou bien certains des salafs ont dit tafsiruha tilawatuha, c'est-à-dire leur interprétation c'est de les réciter telles quelles. Comme les ulama ont expliqué justement au sujet de ces expressions-là, c'est que les salafs disaient ça pour réfuter les jahmiyyah et les mu'tazila qui niaient la réalité de ces attributs-là. Et eux donc, quand ils disaient ces paroles-là, c'était pas pour nier leur réalité ou pour nier qu'ils comprenaient ce qu'elles signifiaient, c'était plutôt pour le fait de les affirmer, ces attributs-là, et de les comprendre telles qu'elles sont dans la révélation et dans la langue arabe. Puisque n'importe quel individu qui est arabe, il les comprend et il n'a pas besoin de chercher dans le tafsir pour les comprendre, puisque ce sont des termes connus et employés par les arabes à l'époque. Donc ce n'est pas un problème. La seule personne qui aura besoin de chercher la signification de ces termes-là, c'est quelqu'un qui est non-arabe, qui veut comprendre la signification de ce qui est dans le Coran. Lui, il aura besoin de connaître l'explication. Mais quelqu'un qui est arabe à l'époque et qui entendait ces termes-là dans le Coran, tout de suite il comprenait sans se poser de questions qu'est-ce que ça signifiait. Donc, c'est la première erreur qu'il fait, c'est d'attribuer le tafwid au salaf. Et les ulama ont expliqué que le tafwid, que les salaf faisaient, c'est le tafwid du comment, et non pas le tafwid de la signification. C'est-à-dire, ils remettaient le sens, c'est-à-dire, ils remettaient le comment des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'en remettaient à Allah pour tout ce qui a rapport avec le comment, puisque personne ne peut le connaître, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en ce qui concerne la signification de ces attributs-là, ils ne faisaient pas le tafwid dans la signification, puisqu'ils comprenaient la signification de ces attributs-là. Puis ensuite, la question du ta'wil. Hein, et en réalité, le ta'wil, tel que ces gens-là l'utilisent, eux, signifie en réalité le tahrif, c'est-à-dire de nier la réalité de la signification d'un terme et donc de l'interpréter par un autre. Hein, parce qu'ils n'acceptent pas le sens apparent de ce qui est dans la révélation, et en particulier au sujet des noms et des attributs. Certains parmi eux-mêmes sont allés jusqu'à dire que si quelqu'un croit en le sens apparent de ce qui est dans le Coran au sujet des noms et des attributs, il devient kafir. De croire au sens apparent de ce qui est dans la révélation, pour eux, c'est kufr. Hein? Certains d'entre eux sont allés jusqu'à dire même ce genre de choses. Et donc, quand ils lisent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de le réinterpréter. Et l'exemple de ça, c'est ce qu'ils font, par exemple, au sujet de l'attribut de Al-Istiwa, par exemple. Au lieu de dire que, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman wa ala al-Arsh Istawa, tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le réinterprètent par une autre signification. Ils disent Istawa dans ce verset signifie Istawla. Hein? C'est-à-dire, au lieu de dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, ils disent que ça signifie qu'il a conquis le trône. Et donc, c'est comme si ils se sont enfuis de l'idée de vouloir, soi-disant, selon eux, ils ont cru que le fait d'affirmer l'attribut de Al-Istiwa faisait une ressemblance entre Allah et sa création. Donc, pour s'enfuir de ça, ils ont essayé de le réinterpréter par une autre chose, sans réaliser que la chose par laquelle ils l'interprétaient était plus grave encore que la première. C'est-à-dire, lorsque tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala a conquis le trône, ça vient impliquer également qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le trône avant Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah est venu, il l'a chassé du trône et il s'est mis à sa place. Et ça, c'est batil, puisqu'il n'y a personne qui peut opposer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas d'autre Dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc cette interprétation qu'ils ont ramenée et ce tahrif qu'ils ont fait est un tahrif complètement faux et rejeté. Et les salafs ont toujours rejeté ce genre de ta'wil dans les questions des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est pour ça que dans les livres des Asha'ira, quand ils enseignent leur aqidah, par exemple, dans un de leurs livres qu'ils enseignent, même Al-Azhar aujourd'hui, qui s'intitule Jawharatul Tawhid, qui est une poésie qui explique l'aqidah des Asha'ira, et bien dedans, à la fin, ils mentionnent « Wa kullu nassin awhama at-tashbiha fa'awwilhu aw fawwid wa rum tanziha » C'est-à-dire, tout texte qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa créature, alors il dit fa'awwilhu, c'est-à-dire change son interprétation ou déforme le sens de cet attribut-là, ou awfawwid, ou bien nie que tu le comprends, c'est-à-dire dit que tu peux pas comprendre sa signification, warum tanziha, et prétend que tu fais ça dans le but de purifier Allah de toute interprétation, de tout défaut ou de toute faiblesse. Hein, ou imperfection. Et donc, ça c'est leur manhaj au sujet des noms et des attributs d'Allah. Le premier, qui est le tafwid, il l'attribue au salaf. Et le deuxième, qui est at-ta'wil, il l'attribue au khalaf. Et ils essaient de faire croire que les deux sont équivalents, et ils sont même allés jusqu'à dire que la position des salaf, c'est-à-dire de faire le ta'wil, c'était meilleur encore que la position des salaf. Et c'est pour ça qu'ils disent parfois tariqatu salaf aslam wa tariqatu al-khalaf a'lam wa ahkam. C'est-à-dire qu'ils disent que la position des salaf, elle est plus sûre, Hein? Parce que tu dis, je sais pas ce que ça veut dire. Pour eux, c'est ce qu'ils pensent. Comme, ils pensent que c'est ça la position des salafs, de dire, je sais pas ce que ça veut dire, donc je dis rien. Hein? Et ils disent que ça c'est plus sûr. Et ils disent par la suite, wa tariqatul khalaf, et la méthode des khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les salafs, elle est plus savante et plus sage. Donc, si yani, les ulama ont dit, celui qui dit ça, en réalité, il se contredit. Parce que si quelque chose est aslam, est plus sûr, donc ça implique qu'elle est plus savante et plus sage. Donc, comment tu peux dire que la position des salaf, elle est aslam, puis après tu dis que la position des khalaf est a'lam ou ahkam? C'est une contradiction. Le début de la parole contredit la fin. Et c'est pour ça que les ulama ont dit la position des salafs, en réalité, elle est aslam, a'lam et ahkam, les trois ensemble. Hein? Et que la position des khalafs, c'est une position qui est contraire à la vérité, qui est une position d'égarement. Donc, ça c'est important de le comprendre, et c'est important de, donc, pour réfuter ces gens-là, hein, que ce soit Hassan al-Banna ou d'autres qui sont venus avant lui parmi les Asha'ira. Hein, et ça réfute, ça fait comprendre en même temps que, comme des gens ont pris par exemple comme chef ou comme guide spirituel, hein, dans leur compréhension de l'islam, un individu qui dans sa aqida avait une position contraire à la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, hein, et contraire à la position des salafs. C'est pour ça que vous trouvez dans les paroles de Hassan al-Banna, par exemple, des paroles contradictoires, comme qui dit que leur jama'a est une jama'a, est une voie qui est soufiya salafiya, hein, salafiya soufiya. Il dit, on est une voie qui est salafiya et soufiya en même temps. Et ça, c'est comme si tu dis, on est une voie qui est sur la sunna et sur la bid'a en même temps. Et ça, c'est impossible, c'est contradictoire d'affirmer ces choses-là. Donc, c'est pour cette raison-là que lorsque ces gens-là vont prétendre, par exemple, que leur aqida, c'est la aqida de Ahlus Sunnati wal Jama'a, on les réfute facilement en leur demandant d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont compris comme étant être la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et vous allez réaliser par la suite que pour eux, Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est la voie des khalaf, des asha'ira et des maturidiyya, hein, et non pas la position des salaf al-salih. Donc, on revient donc à notre sujet, donc, dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Hein, c'était juste une parenthèse, une grande parenthèse pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui a rapport avec ces questions. Mais on revient donc à la question du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh, il dit, Wallahu jalla wa ala yaqul. Là, il montre les preuves que Allah va être vu dans l'au-delà, hein, au jour de la résurrection. Parmi les arguments que les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a ont mentionné pour prouver ça, le Cheikh il dit, Wallahu jalla wa ala yaqul, lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Al-husna hiya al-jannah, wa ziyadatu hiya al-nazaru ila wajhillahi, kama fi sahih muslim. وكما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون يعني في الجنة ولدينا مزيد هو رؤية الله جل وعلا وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة من النضرة وهي البهجة إلى ربها ناظرة بأبصارها لأن النظر إذا عدي بإلى فمعناها المعاينة بالبصر وإذا عدي بنفسه ينظرون فمعناه التوقف والانتظار وإذا عدي بفي كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار. Donc le Cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Yunus, le verset 26, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Pour ceux qui ont fait le bien, qui ont été bienfaisants, ils auront le bien en récompense et plus encore, et un surplus. Et les ulama de tafsir, ils ont mentionné que Al-Husna, c'est le paradis. Le bien, c'est le paradis. Le bien qu'ils vont recevoir, c'est le paradis. Waziyada, et le surplus, c'est quoi? C'est le fait de voir le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est mentionné également dans Sahih Muslim. Et il dit ensuite, wa kama qala ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Qaf, le verset 35, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Ils auront tout ce qu'ils désirent dans le paradis et auprès de nous il y a un surplus, il y a quelque chose de plus. لهم ما يشاءون, ils auront ce qu'ils veulent dans le paradis et auprès de nous, c'est-à-dire le surplus c'est quoi? C'est le fait de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit également comme dans le verset 22 dans sourate Al-Qiyamah 22 et 23. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وجوه يوم إذن ناظرة » C'est-à-dire, ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la résurrection, il y aura des visages éclatants. « من النضرة » qui signifie « البهجة » c'est-à-dire d'avoir les, يعني, d'avoir les visages éclatants. « إلى ربها ناظرة » c'est-à-dire, ils vont regarder leur Seigneur. Hein? C'est-à-dire, ils vont regarder leur Seigneur avec leurs yeux, ils vont le voir avec leurs yeux. Pourquoi? Parce que le terme yani navara, il peut être utilisé dans trois significations selon le contexte. Selon le contexte. Et donc, dans le premier contexte, lorsqu'il est utilisé avec l'article ila, ça signifie le fait de regarder avec les yeux. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ila rabbiha nazira ». Ila, hein, ça veut dire qu'ils vont regarder avec leurs yeux. Ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux. Lorsqu'il est utilisé par lui-même, c'est-à-dire sans article, il a la signification du fait de s'arrêter et d'attendre. Hein? « Intazara hein? ». On dit « Intazara ». Intazir, c'est-à-dire « attend ». En arabe, c'est ça, s'arrêter et attendre. Et lorsqu'il est utilisé avec l'article fi, alors dans ce cas-là, ça signifie de réfléchir et de méditer sur quelque chose. Et il mentionne le verset 185 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'ont-ils pas médité sur les royaumes des, le royaume des cieux et de la terre? C'est-à-dire, at-tafakkur wa li'tibar, de méditer et de réfléchir. Donc, il résume ça en disant que le premier cas, in udiya bi nafsihi fa ma'nahu al-intizar. In udiya bi fi fa ma'nahu at-tafakkur wa li'tibar. Wa in udiya bi ila fa ma'nahu al-mu'ayanatu bil absar. Wa hadhihi hiya al-qa'ida. Donc ça c'est la règle. Souvent les gens de bid'a ils jouent comme ça avec les significations. Ils disent par exemple quand tu leur montres ou quand tu leur mentionnes quelque chose, comme par exemple tu vas leur dire Allah subhanahu wa ta'ala il affirme qu'il est au-delà de son trône dans le Coran. Il dit Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Là ils te sortent cette excuse là qu'ils prétendent. Ils pensent que en mentionnant cet exemple là ils ont réussi à détruire ta tes arguments et tes preuves. Ils disent oui, mais le terme istawa, il peut avoir jusqu'à 15 différentes significations dans la langue arabe. Et là, en disant ça, ils pensent que ça y est, ils t'ont cassé, comme vous dites vous ici en France. Et la réalité, c'est que c'est réellement bête de leur part de mentionner ce genre de choses, puisque dans toutes les langues, il y a des mots qui sont utilisés dans plusieurs significations. Et ça ne veut pas dire que à cause de ça, on n'est pas capable de savoir dans quelle signification on l'utilise dans une phrase quelconque ou dans un contexte quelconque. Donc, c'est-à-dire que si on utilise un mot, par exemple en français, il y a deux mots, si tu les prononces, elles se prononcent de la même manière. Le mot « tente » et la tente. Donc, une tente avec un « e » et une tente avec un « a ». Les deux se prononce de la même manière. Est-ce que si tu utilises dans une phrase le mot tente, tu ne peux pas distinguer la différence entre une tente que tu habites dedans et une tente qui est la sœur de ta mère ou la sœur de ton frère? Non, tu peux distinguer entre les deux selon le contexte de la phrase. Et donc ça c'est des exemples pour leur faire comprendre que lorsque un verbe est utilisé en arabe et qu'il est dans, il est dans une phrase, eh bien, selon le contexte de la phrase, on est capable de comprendre et de connaître sa signification, même si ce terme-là peut avoir plusieurs utilisations différentes. Hein? Et donc, dans le terme ici qui est utilisé, par exemple, « ila rabbiha nazira », c'est la même chose. Et lorsque le terme est utilisé, comme dans ce verset, il, avec « ila », il ne peut signifier autre chose que le fait de le voir avec les yeux. D'accord? Donc ça, c'est pour ce qui a rapport avec cette preuve-là. Et dans les autres utilisations, soit avec « fi », ça veut dire de réfléchir et de comprendre, ou bien s'il est utilisé sans article, c'est dans le sens de d'attendre, de l'attente. Donc les Mu'tazila, eux, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Les Mu'tazila, ils disent, quand Allah dit « ila rabbiha nazira », c'est-à-dire ils vont attendre leur Seigneur. Hein? Ou bien il y en a qui l'interprètent en disant « ila na'imi rabbiha nazira », c'est-à-dire ils vont regarder les délices de leur Seigneur, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah a préparé pour eux. Et bien entendu, ça c'est une forme de déformation du sens. Hein? Ils rajoutent des mots dans le verset qui sont même pas dans le verset, pour essayer de l'interpréter d'une manière qui satisfait leur désir. Le cheikh il dit ensuite, wal ayatul lati ma'ana mu'addatun bi ila rabbiha nazira, fahada mu'ayanatun bil absar. Amma qawluhu ta'ala la tudrikuhu al absar wa huwa yudriku al absar, فالإدراك غير الرؤية. أنت ترى الشمس وتبصرها ولكن لا تدركها، يعني لا تحيط بها، فلا تحيط بالمرئي من كل جانب وإنما تراه. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يدركونه، أي لا يدركون عظمته جل وعلا، ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بجرمها وحدودها وهذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على أنه يرى ولكنه لا يدرك، يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى. donc le cheikh il dit que parmi les arguments, bon, en fait, les gens de Bid'a, comme par exemple les Mu'tazila, les Jahmiya, ils ont essayé d'utiliser des versets pour prouver qu'on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont essayé de ramener des arguments. Et parmi leurs arguments, c'est le verset 103 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar ». C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils ne peuvent le saisir de leur vue, mais lui saisit tout, hein, de leur vue. Donc, le cheikh explique que dans ce verset-là, qu'est-ce qui est nié? C'est pas la vue. Hein, c'est pas al-ru'ya, c'est al-idrak. Et le cheikh explique qu'il y a une différence entre al-ru'ya et al-idrak. Al-ru'ya, c'est la vue. Al-idrak, c'est de saisir quelque chose dans tous ses sens, hein, dans toute sa réalité. Et donc, le cheikh, il dit, toi, tu peux voir le soleil, mais est-ce que tu peux le saisir? Non. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'envelopper de ta vue et de ta connaissance, de tous ses côtés. Hein? Tu le vois seulement. Donc, les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection, mais ils ne vont pas le saisir complètement. Hein, ils ne vont pas saisir sa grandeur. Hein, ils ne vont pas non plus l'envelopper de leur science. De la même manière que le soleil, lorsque tu le regardes, même en plein jour, si tu essaies de le fixer, tu peux pas. Hein, plus que quelques secondes, tu veux fixer le soleil et puis ça y est, tu es obligé de baisser tes yeux. Donc, si c'est le cas pour une créature, alors que dire du Créateur? Donc, il y a une différence entre la vue, hein, le fait de le voir, et le fait de le saisir complètement. Et donc, c'est ça ce que le cheikh explique ici. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il nie al-idrak, ça prouve plutôt qu'on va pouvoir le voir, mais sauf qu'on ne pourra pas le saisir complètement. Hein? Parce que rien ne peut saisir Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Et il dit wa qawlu Allah li Musa alayhi salam lan tarani. ليس معناه النفي المؤبد بل لن تراني يعني في الدنيا بدليل أن الرؤية ثبتت في الآخرة وأهل اللغة يقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد وإنما للنفي المؤقت. Donc le cheikh explique que également parmi les arguments ou les shubuhat des Mu'tazila, c'est qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 143 dans Surat Al-A'raf, dans l'histoire qui est rapportée au sujet de Moussa alayhi salam, quand il a demandé pour pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en disant lan tarani, c'est-à-dire tu vas pas me voir. Et lan c'est pour l'avenir. En arabe, quand quelque chose est nié pour l'avenir, on utilise l'an, hein? C'est-à-dire tu vas pas me voir. Et le cheikh explique que l'an dans ce verset-là, ça signifie l'an tarani fi dunya, c'est-à-dire tu vas pas me voir dans ce monde, parce que le fait que Allah sera vu dans l'au-delà, il est affirmé dans d'autres textes et dans d'autres hadiths. Ça c'est confirmé. Et les gens de les savants de la langue arabe, les linguistes et les savants de la grammaire, ils disent que le terme lan, il n'est pas utilisé pour une négation à l'infini, c'est-à-dire que quelque chose est nié par rapport à l'avenir, mais infini, non. Mais c'est utilisé pour une négation dans l'avenir, mais qui est limitée dans le temps. Hein? Et il ensuite, donc là, il a expliqué la réponse, un résumé de la réponse au sujet des shubuhat des Mu'tazila lorsqu'ils essaient d'utiliser des versets pour nier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu au jour de la résurrection. Et la raison pour laquelle ils nient ça, hein, ces gens-là, c'est parce qu'ils nient justement que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Donc puisqu'ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, tel que Allah l'a dit lui-même, eh bien ils cherchent des moyens de nier ça. De cette façon-là. Ensuite, le cheikh dit: وقول الناظم رحمه الله تعالى يتجلى يعني يظهر سبحانه وتعالى يكشف الحجاب عنه. Donc, lorsque l'imam Ibn Abi Daoud il dit: وقل يتجلى الله للخلق جهرة يتجلى, c'est-à-dire il va se montrer, il va se dévoiler devant les hommes. C'est ça que ça signifie. وَقُلْ يَتَجَلَّ اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى. Le Cheikh dit قوله رحمه الله تعالى كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة الخامس ليلة الخامس عشر أو الرابع عشر, وهي ليالي الإبدار وفيها تمام القمر, لأن القمر يهل أول الشهر ضعيفا ثم يزيد إلى أن يتكامل في ليلة الإبدار ثم يأخذ في النقص إلى أن يصير هلالا. قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو عزق النخلة الذي ترونه منجيا إذا يبس, فالهلال يكون على شكل العرجون القديم. Donc le cheikh il explique, il dit que كما البدر لا يخفى, c'est-à-dire de la même manière que la pleine lune ne peut pas t'échapper, tu peux pas la manquer, c'est-à-dire c'est de cette manière-là que tu vas voir Allah au jour de la résurrection. Ça c'est pris de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith il est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, il est rapporté également dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, et également selon Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Donc, il est rapporté par différents parmi d'entre les Sahaba. Et le hadith dit quoi? Vous allez voir, certes, votre Seigneur comme vous voyez la lune dans une nuit de pleine lune. Al-Badr en arabe, ça veut dire Laylatul Badr, la nuit de Al-Badr, ça veut dire quoi? Ça veut dire la quatorzième nuit du mois islamique, c'est-à-dire lorsque la lune est pleine. Okay? Et il explique que dans le mois, bon, au début, le croissant il est fin et on ne le voit pas facilement, et après il commence à se compléter jusqu'à ce qu'il devient la lune devient complète lorsque on est au milieu du mois, puis elle commence à diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne un hilal, un croissant à la fin du mois. Et il mentionne le verset 39 dans sourate Yassine, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que la lune, Allah subhanahu wa ta'ala l'a divisée en différentes phases, jusqu'à ce qu'elle revienne comme une palme, une feuille de palme séchée. Et il explique que Al-Urujun, c'est ça, c'est une feuille de palmier qui est séchée et devient comme un croissant. Donc ça, c'est qu'est-ce qui a rapport avec l'attribut de Al-Ru'ya, Ru'yatullah. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va expliquer pour aujourd'hui, pour ce cours-ci. Et puis on continuera, Inch'Allah, l'explication de la Qasida et de la Manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud dans le cours qui va suivre, Inch'Allah, après l'Asr. Et on va expliquer le huitième vers qui est la parole de l'imam Ibn Abi Daoud, wa laysa bi mawludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shabahun ta'ala al-musabbahu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas engendré et il n'a pas engendré non plus. C'est-à-dire, il n'a pas de père et il n'a pas d'enfant. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Donc ça, c'est le vers qu'on va expliquer, Inch'Allah, après la prière de Asr, بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.